déjà fait. Cousin encore, cousin. Cousin en kiné. Mazarov. Je veux. Cousin. Concert en Guinée, y'a personne qui l'ouvre. Je fais des clips au musée du Louvre. Numéro uno en Afrique de l'Ouest. Ça bande sur mes sons comme sur Rema l'Ouest. Minimum 20 millions, sinon j'annule. Champagne et bulle, après j'éjacule. Rappeur en défaite que j'accumule. Shogun arrive, ils ont la chatte qui mouille. Ouais, je suis les nouveaux boss de la musique ivoirienne. Dans mon game, que des loups, que des gorilles. Tu joues les riches, mais tu reflètes la galère. J'affronte tout, audacieuse et ma carrière. Gouverner ce jeu, négro, il fallait. Les en rouge, mais peut faire la fella. Sur conspiration, Félicia. On s'en fout que tu félicites. Allez, moi je veux. Oh, faut que tu félicites, champion. Hey. On est reparti d'un feu. Hey. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Les microbes du pays, les microbes du pays. Ton temps n'a pas duré comme Robert Gay. Les mains de Gay. Mon équipe est nerf. Vendredi cortège à la mosquée. On m'attaque, je réponds, guerre, je veux pas faire de mal à un moustique. Elle vend son cul pour du cristal, dit or. Fini tes piques, nous on t'attend dehors. Présent sur le terrain, le gang est sous le terrain. En cabas, tu dis rien, tu poucaves, t'es mort. Album du niveau Nero Nemesis. Ce négro peut rien me faire, il insiste. On n'est pas impoli, mais on t'apprécie pas. Tu jubiles dans près tout, j'ai déjà fait 100 pas. 100 000, eux c'est la cotation. Je travaille pas, je fais ma passion. Je t'encule, toi et tes francs-maçons. Cotazo, Bina Cotazo. J'ai commandé un cybertruck. Elle est jolie, mais a pas Facebook. Allô, dis bas, c'est quand là à tourner, je vois des millions dans mon flashback. Ces négros veulent porter du Louis V, mais pour l'avoir ils se font Benz. Les voitures du rap ivoire font la moitié du prix de ma Merco Benz. Bientôt dans la fête Enzo, ils ne vont jamais m'oublier. Rappeur dans un bourbi, sans solution, est devenu Woobie. J'ai l'idée de toutes mes prods, je suis un magnifique DA. Ton rappeur attend mon album comme le dernier du jeu sans entrée A. Ce négro a goumin, quand il me voit sortir mes sons ça l'énerve. Je peux reprendre ton flow parce que je suis ton meilleur élève. Hey. J'ai percé dans le rap pendant le prime du coupé décalé. Je suis une légende de ce sport, je suis le premier rappeur médaillé. C'est mon temps, je vais le marquer. Mon processus, ils veulent hacker. Apprêtez-vous, premier concert au stade de Boaké. Allons pour le troisième couplet d'affaire. Ça n'existe plus les troisième couplets dans le rap de merde de maintenant. Yo. Psychopathe, aïe, psychopathe, je suis mes ennemis pour mieux les baiser, j'enquête. Je fais plus trop d'interviews parce que je sais qu'ils vont poser des questions bêtes. Pendant qu'elle m'embrasse, j'ai majeur et auriculaire dans ses putains de fesses. Pendant que je les froisse, j'investis dans bouteilles de champagne et je fais la fête. Je traverse le temps, talentueux depuis l'époque de Tetris. À cause de mes hits, les rappeurs vont plus trop en boîte, c'est triste. Et ils sont en guerre contre le vide, ils reviendront à la raison. Dès que je me remets à kicker, vos pseudo-fans reviennent à la maison, bazar. On a bougé.